des échangeurs d'air avec vous jusqu'à 21h30. Michel Marcoux est au microphone et Jean-Philippe Boisbriand fait tout le reste dans le choix musical. Et cette semaine, nous sommes dans l'éclectisme, vous le savez, comme chaque semaine, avec d'abord Young Marble Giants et on continue avec toutes sortes de choses. Il y aura du Laurie Anderson, du Meredith Monk, ça fait longtemps que je l'ai entendu, du Hobo Combo et toutes sortes de choses, même du Brian Eno, pourquoi pas. Alors allons-y. Of you. Oui, ben ça commençait comme ça, des échangeurs d'air. D'abord avec Young Marble Giants sur l'album Colossal Youth de 1980 et la pièce Chucky Lonnie. Et c'était suivi par deux pièces qui se ressemblaient, qui se suivaient parfaitement. Il y avait J.D. Barton sur l'album Two de 2021, Give Your Mom a Kiss. Alors un groupe qui est réapparu pour faire un album de 2021. Et Der Ouf, qui sont revenus eux aussi. L'album s'appelle Actually You Can de 2021 aussi. We grew and we are astonished. Oui, voilà. Ce dernier bloc commençait avec Wendy Carlos, Beauty and the Beast de 1996, la pièce You Say I Say. Compositrice, utilisatrice du Moog, vraiment, allez voir ce nom. Wendy Carlos, si vous cherchez des références, parfois il y a Walter Carlos, car elle a une transformation en 1973. Très intéressante personne. Sissy Gies nous faisait sur Complete Studio Recordings de 2003 la pièce Moroccan Rose. Sympathique duo d'orgue et de violon. Et nous avons terminé avec Nada El Shazly. L'album Awar, la pièce Palmyra, c'est vraiment du joli stock aussi de cette native du Caire. Alors, qu'est-ce qu'on aura après? Tiens, un peu de Laurie Anderson pour commencer. I wanted you. And I was looking for you. But I couldn't find you. I wanted you. And I was looking for you all day. But I couldn't find you. I couldn't find you. You're walking, and you don't always realize it, but you're always falling. With each step, you fall forward slightly, and then catch yourself from falling. Over and over, you're falling, and then catching yourself from falling. And this is how you can be walking and falling at the same time. Ouais, les échangeurs d'air avec vous, toujours jusqu'à 21h30. Qu'est-ce qu'on a eu? D'abord, Laurie Anderson sur l'album très connu Big Science de 1982, la pièce Walking and Falling. Tantôt, je disais sur elle, puis en plus d'avoir fait de la musique pour toutes sortes de personnes, elle a aussi été la première artiste en résidence de la NASA. Qui a donné un truc qui s'appelle The End of the Moon. Elle a collaboré avec plein de gens, puis entre autres avec Wim Wenders sur Des ailes du désir jusqu'au bout du monde et Si loin, si proche aussi. On a eu après ça Ekla. L'album s'appelle A. C'est de 2018 et la pièce s'appelle Atour. Possiblement que ça s'appelle Atour. J'oserais pas être sûr de la prononciation. Elle s'appelle Ekla Magnus Dottir. Elle joue du térémine. Puis elle dit que ça peut être sombre, ce qu'elle fait. Oui, effectivement, ça peut être sombre. Ça peut être aussi très joli. C'est ça. Alors, elle est islandaise. Et il y a des trucs... il y a une pièce qui s'appelle... Joklinum Aljoar Sprongur. Puis j'aimerais que vous alliez lire ça. Possiblement, puis que vous essayez pour la prononciation. Ça, c'est vraiment la suite de voyelles est vraiment difficile. Puis, on a terminé avec l'ensemble d'oscillateurs qui, sur le truc qui s'appelle Deux transcriptions, Oliveros et Paid. Alors, on parle d'Els Marie Paid, Faust Movement 6. Els Marie Paid, dame très intéressante, née à Aarhus, au Danemark. Puis allez voir sa biographie, ça vaut absolument la peine. Entre autres, elle est allée dans la résistance et a fait toutes sortes de choses. toujours les échangeurs d'air avec vous jusqu'à 21h30. Delphine Dora commençait le dernier bloc. Son album s'appelle A Diamond. La pièce Fire. Delphine Dora, c'est une improvisatrice. On pourrait dire ça par moment. Ou semi-improvisatrice aussi. Voix, piano, chante des poèmes de plein de gens, dont Walt Whitman. Alors, on peut passer de Walt Whitman à des trucs de Luciano Berio, etc. Elle a travaillé avec Héloïse Decazes, entre autres. C'est une dame qui ajoute sans cesse des cordes à son arc, devient de plus en plus agile et habile de la voix et des claviers, puis ça lui permet d'étendre son univers de plus en plus. Intéressante, Delphine Dora. Ensuite, Elodie Lawton nous faisait, sur Piano Works de 1983, la pièce Cat Counterpoint. Elle aussi, c'est une autre personne intéressante, qui a une particularité. Je pense que c'est une façon de se comporter dans la famille. Elle est née Geneviève Chekroun. Alors, elle est née d'un père algérien qui est un musicien de jazz qui, lui, s'est appelé Harold Parker, alors qu'il est né Raphaël Chekroun. Et la mère est une pianiste classique. Elle a pris le nom de Elodie. Elle a décidé de s'appeler Elodie à un moment donné. Voilà. Et elle a une mère qui est pianiste classique. Elle a donc traîné dans cet univers-là toujours, et ça paraît dans la qualité de son jeu, dans tout ce qu'elle fait. C'est vraiment une autre personne que je conseille. Et Meredith Monk se termine avec Dolmen Music, la pièce Traveling. Sucrez vos mouchoirs quand vous pleurez.

Ouais, toujours les échangeurs d'air avec vous jusqu'à 21h30. Qu'est-ce qu'on a eu, Général Alcazar? Assemblage, une compilation assemblage de pièces comme la Dienne du plus bel effet de 2009. La pièce L'instigateur du système. Général Alcazar, c'est un type qui s'appelle Patrick Chenière, auteur, compositeur, interprète et guitariste, bon guitariste aussi, né à Melun et mort à Sète en 2013, quand même relativement jeune encore. C'est un type qui s'est promené beaucoup parce qu'il était fils de militaire. Et quand il est revenu se fixer à Montpellier, à l'âge de 15 ans, il s'est mis à faire des groupes de musique rock, comme ça. Puis ensuite, il est allé d'un côté un peu comme Ladien. Voilà, à qui il a consacré une chanson, d'ailleurs, L'homme en noir, sur l'album Des sirènes et des hommes, dans le Bel Canto Orchestra. Parce qu'il a fait le Bel Canto Orchestra aussi. Un autre intéressant. Et ensuite, on est passé à Reski et Brigitte Fontaine, Le Bonheur de 1975, la pièce Mephisto. Brigitte Fontaine est née en 1939. Elle continue. Je pense pas qu'elle va pouvoir s'arrêter. De toute façon, elle a fait un peu de tout, de la chanson, beaucoup de théâtre. Entre autres, dans les années 80, où est-ce qu'elle et son mari Areski ont cessé de faire de la musique. Pratiquement à ce moment-là, elle a fait de la tournée, elle s'est promenée un peu partout avec quelques pièces, comme ça. Et elle est de plus en plus connue dans le monde anglo-saxon, mais pas encore tant que ça dans le grand public francophone. Alors, peut-être un jour, c'est ça, mais c'est trop étrange pour certaines personnes. Mais elle avait eu, à un moment donné, une espèce de critique vraiment enthousiaste des membres de Sonic Youth qui ont adoré ce qu'elle faisait. Alors, ça a comme donné un élan à ses compositions qui méritent d'être connues. Il y a beaucoup de bonnes choses. Et on a terminé avec Obo Combo. Now that it's the opposite, it's twice upon a time, be a Obo, de la musique de Moondog, faite par des Italiens. Des Italiens qui s'appellent comment? Andrea Belfi et Rocco Marci. Et c'est vraiment très bon. Ça vaut la peine. Thank you. Ça, c'est du vrai fond sonore. Alors, c'est tout pour les échangeurs d'air pour cette semaine. On a terminé avec Brian Eno, Here Come the Warm Jets, son album de 73, la pièce Some of Them Are Old. C'est Brian Eno, moi, je continue à écouter tout le temps les trucs des années 70 qu'il a fait Before and After Science, Another Green World. Puis il a travaillé avec beaucoup de monde, David Bowie, U2, Coldplay, Damon Albarn, Grace Jones, etc., etc. Il a fait plein de musiciens. Une des personnalités, effectivement, les plus importantes dans la musique du 20e au 21e siècle. Il a été dans Roxy Music aussi. Ensuite, on a eu Sun Waves, At the Sacred Walls, et la pièce de 2016, la pièce s'appelait At Sacred Walls aussi. Comment ils s'appellent, eux? Voilà. Ils sont où, les voilà qui apparaissent? C'est des Britanniques, avec un producteur de musique électronique, Luke Abbott, Lawrence Pike du groupe PVT, et Jack Willie de Portico Quartet. Puis c'est ça, ils font un mélange spirituel, expérimental, jazz expérimental, musique électronique. Puis c'est chouette ça aussi. En fait, il y avait beaucoup de bonnes tunes aujourd'hui. On est allé dans le classique et dans des trucs qu'on connaissait pas. Je les connaissais pas, eux. Le Sun Waves. Jean-Philippe a trouvé ça aujourd'hui dans une de ses deux disques durs. 30 disques durs. On ne sait plus. Lui-même ne le sait plus. Et nous avons terminé avec Bourbonese Squawk sur Bourbonese Squawk, une compilation de 83-87, la pièce Workover. Courte affaire, un groupe de musique expérimentale qui a existé de 1980 à 2003. Puis il faisait de la musique industrielle et expérimentale. Et voilà, c'est comme ça que ça se termine. Bye bye!